Bonsoir et bienvenue dans l'antichambre avec l'oncle Ben et Elbert sur le 105.9 de Radio Les Bords. Bonsoir Elbert. Au programme de cette nouvelle émission pour laquelle on se retrouve encore tous les deux, qu'est-ce que tu nous as prévu Ben ? Eh bien, des petites nouveautés, dont le nouveau projet de Vince Aquero et Pumpkin qui s'appelle Chimique. L'oncle Ben toujours à l'affût des nouveautés hip-hop, qu'elles soient outre-Atlantique ou françaises comme ce soir. Et puis je crois que tu auras, si on a le temps en fin d'émission, d'autres choses à nous présenter. Tout à fait. Et okay. Pour ta part ? Pour ma part, j'ai prévu un mix de titres funk pour la plupart modernes. On commencera notamment, on parlera du projet Last Bongo in Paris de DJ Cléon. Eh bien très bien, donc on commence tout de suite avec donc une autre petite nouveauté avant de lancer la nouveauté hexagonale sur une nouveauté on va dire japonaise, donc ça fait référence à mon petit voyage d'il y a pas longtemps. Donc c'est un disque que j'ai trouvé bien sûr à Tokyo, mais je l'avais en version digitale avant. C'est le producteur Soft Pow Shop en compagnie de Large Professor. Je vous avais joué le morceau donc qui s'appelle Here We Go, sa version originale il y a quelques semaines de cela. Et là, je vais vous jouer par exemple le remix donc fait par Large Professor. Donc on s'écoute ça tout de suite sur les 105.9 de Radio et les Bords. C'est parti. Took it back to the golden, original cold when young guards grew to see the day to be booming. Thriving, I long live what I was born with. The knack to chop a beat up and rap so words get itemized to the tunes on earth. Those you idolize is food like hors d'oeuvres at a banquet. Reaching in the pot for the bank mint. Secretly got it unlocked with the anklet. It ain't shit to roll the roof off the world. But now the ghetto child who loops off the twirl in black. Piece of wax says these are the facts. Push back your seats, lean, ease and relax. Or get up and hit up a dance floor cause you're the next contestant. Get with the new laws, professorship sailing. Fix the antennas so you can channel in daily. But fasten your seatbelts cause here we go. Happening, kid. The LP is the acronym. Like a steamroller in the street, I'ma flatten them. Whether they wood, gold, zinc, copper, or platinum, I back them in. Then topple and tackle them CDs and E's. With these degrees, I release. Large pro, be the beast out east. Always ready for war, but been all about peace. In the village, New York, with fam scoping out beats. And breaks, it takes a nation a million. The whole back, William. Them hot air balloon helium. Rap dudes know that we ain't really feeling them. My two got no holes. The blanks, I fill them in like spackle. This is a beat few could rap to. I can make it work easily cause I'm that dude. That's all natural, P is for pro. So fasten your seatbelt kids cause here we go. Next plateau or hood status, which is what got us here in the first place, in case some forgot. I'm the same scientist up the block from the globe piece. Beef with crooked police. Took a quick trek around the way with my cronies. Competition bow down on both knees. When I'm out uptown or somewhere overseas, it's real hip-hop non-stop. It don't cease to settle. Hit the stage, let my microphone echo around. Run the race like Ready, Set, Go. Amazed like Frankie Beverly before I let go. Stomp through ballerina rappers got a tiptoe. Another victim, vibes off the kick drum. Handsome, lyrically hold tracks for ransom. You know my resume, rap steadily grow. So fasten your seatbelt, kid, cause here we go. Done, son. Southport shop. siècles, ceux qui traquent le coup de foudre dans les mauvais cercles, scalquent sur l'époque, draguent pendant des siècles, cumulent les claques, perdant depuis le premier cycle, battent le rentre dedans, du coup en solo gicle, tact et tactique, cirque, sine qua non, stratégie plus hasard, jeu de backgammon, un peu de cinéma si t'es pas mat, damon, quelques bons réflexes comme la marque Canon, marmonne, des mots crus et morceaux, miracle, clin d'œil au climax dans l'habitacle, couple de clubs conclu à la pause clope, le clip et la queue cloué sous le stroboscope, vite et sûr, clic clac sans plastique sur le biscuit, viens déguster les MST après minuit, musclé, muqueuse, fricote, puis clash, flash, se lèche, se fâche, se lâche, aventure, latex, nature, réflexe, structure, flex, couverture, sexe, posture, linex, imposture, ripex, rupture, solex, biture, remplex, ex-future, future ex, torture, cortex, conclure, complexe, ex-future, future ex. Je suis de ceux qui cherchent une chimie charmée, aguiche, alléchée par le charme. Un déhanché, des choses à dire à chaque minute, branché sur la même longueur d'onde, ça désarme. Démarche sans chichi, avec ce qu'il faut de panache, d'audace, le goût du plaisir, de la chair non trash. Sans mâcher ces mots, passer un marché, le plan cul avec QI est enclenché. Chute, dis rien, chute, perdu dans ta chute de rein. Atome crochu, astra, agile et serein. Plancher, pencher, muffin, cappuccino, coucher, bouche bée, touche écoulée, touche emboulée, tranche de vie, des tronches pas vite, chavire. Deux êtres chauds deviennent chers et ça déchire. Franchise à chaque chapitre, donc pas de douche froide. Et si tu cherches l'alchimie, lève le wad. Aventure, latex, nature, réflexe, structure, flex, couverture, sexe, posture, linex, nourriture, ex-mex, fioriture, amex, signature, annexe, ex-future, future ex, torture, cortex, conclure, complexe, ex-future, future ex. Latex, nature, réflexe, structure, duplex, couverture, sexe, posture, kleenex, nourriture, tex-mex, fioriture, amex, signature, annexe, ex-future, future ex, torture, cortex, conclure, complexe, ex-future, future ex, ex-future, future ex. Why you wanna go and do that? Why you wanna go and do that? Why you wanna go and do that? Why you really wanna go and do that, love, huh? Why you wanna go and do that? Why you wanna go and do that? Yeah. Why you wanna go and do that? Why you really wanna go and do that, love, huh? Love, huh? Love, huh? Avec et il y a des jours sans, l'ascenseur émotionnel monte et redescend. Ne fais pas l'innocent, tu connais le sentiment. Sourire dehors, mourir dedans, simultanément. Paradoxe ambulant comme des docks en buvant. Adjuvant on the rocks, du vent posté. Du mauvais côté de la pente, de la perspective. Et une balle à blanc sur la tempe. Peur d'aller bien, peur d'aller mal. Le futur te dit viens, tu rétro-pédales. Au calme et lag, le vague à l'âme. Pas de blague, brade ton âme en salle d'art. Ombre sur les paupières, solution micellaire. Avec ou sans phare, trahison oculaire. Y'a du gaz dans l'air, à tous les étages. Check ce high, coup de gueule, anti-sabotage. C'est comme ça que je me sens quand les choses vont bien. Distant, le spleen s'abstient, papillon persistant dans les intestins. Intense instant, incité par l'instinct. À la dopamine boostée comme love story. Capsule de riz très tôt, je reste au lit. Sous mon tricot, un cœur en watt vibre. Sans les coups de marteau, piqueur sous les fibres. Cidre, taz, mocha ou pisco. Acid jazz, polka, disco. Sydney, Doha, Dakar, Frisco. Je cherche le bonheur ailleurs que dans le dico. À chaque tracas, son dissolvant. Une pensée positive le matin en se levant. Le vent tourne. Que t'en as dans le ventre et les gouttes apprends à passer entre. Coup de karma ou comme par magie, tu soignes les cœurs les plus fragiles. Mal pour rien, kiffe la vibe, soustraction des moments tragiques. Ils partent tous en sucette, croque, lèche les soucis, escroque les spirites. Aspirine, inspirez, expirez. Le meilleur aspire le pire. Mes yeux bouffent ton sourire. Love boulimie. Dommage, la tendance est carnage. Partage, clique, la joie se fait rare. Donc je finis au cas par cas. Chacun son parcours, même le plus hardcore, tu peux l'embellir. Face à face avec les étoiles, trajet sans détour, musical satellite. Avant de taffer, la tête de l'oreiller dégrafée à l'air frais. J'étoffe de ma griffe mes strophes en mitouflées. Mon inspiration par les infos soufflées. Souffrir pour être belle dans les bras de morflées. Femme objet métamorphosée en trophée. Le fautif camouflé continue de ronfler. Les chiffres ont gonflé, voici mon coup de sifflet. On se dit peace and love, sauf que le sang pisse. En science-fiction, l'hémoglobine n'est pas factice. La femme est montée, démontée, sans la notice. Avec ou sans anneau, le premier coup est gratis. Motus et bouche, décousus et hanches bleuissent. Parce qu'elle n'a pas voulu écarter les cuisses. Faire office de sac de frappe ou d'orifice. Morifie, actrice du box-office. Le synopsis, je modifie. Expliquez-leur une fois pour toutes qu'on est plus forte que. Même morte pour un coup de pied, un coup que. Tirée par les cheveux au sens propre comme défigurée. Des filles à torturer, si brutes, finies, allurées, tarées. Entrer dans leur chair par effraction, par distraction ou trac. Sans trac, on fait abstraction. Ce beat percute à 83 battements par minute. Chaque kick du trac est un uppercut. Une de moins, les poupées balancent. Ni bus, ni train, épopée en ambulance. Illico presto, l'hosto remplace le resto. Stone, l'éther, éclipse, le parfum du pesto. El resto, l'histoïque, demain ça ira. Les bobos se gomment comme un dessin d'Anna Barbera. Le barbare, Berato ou tard, c'est le karma. Pour qui confond femme et sandwich de shawarma. Amours hémorragiques, pansement de gaz dans l'air. Moitié d'orange, moitié orage, Jules. Est-ce dans l'ADN que la violence prend ses racines? Si c'est une question de chimie, Walter White à la ricine. Pour moi les baffes, c'est juste du pop-corn. Une tarte, un pain, une pêche, hashtag food porn. Quitte à lever les poings, je mets les poings sur les i. Rien ne justifie que lui mette les mains sur les filles. Le barbare, verra tôt ou tard, c'est le karma. Et bien voilà, c'était la présentation du nouveau projet de Vince D'Aquero et Pumpkin. Donc c'est un nouveau maxi qui s'appelle Chimique, qui est sorti il y a quelques jours. Ça annonce un album pour 2007 et 2017. Alors, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 2017. Voilà, c'était donc les trois morceaux sont produits là par Vince D'Aquero. Il est revenu, je trouve, à une production boom bap classique comme moi je l'aime, un peu moins de son électronique dedans. Ouais, puis toujours ce côté un peu feutré, un peu soulful là sur le deuxième morceau notamment. Mm-hmm. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Après, donc sur ce maxi, il y a les mêmes titres, donc remixés par, je vais vous dire ça, par Scratch Bandy Crew, par Nui Graphic et Taji. Je les connais pas vraiment, mais là les trois remixes sont un petit peu plus avec des sons un petit peu plus électro. Donc voilà, moi j'ai préféré vous jouer les productions de Monsieur Vince D'Aquero. Donc le premier morceau, c'était qui s'appelle, comme le nom du maxi, ça s'appelle Chimique. Il y a d'ailleurs un très très beau clip qui nous montre l'intimité, la relation du couple Pumpkin et Vince D'Aquero. Et puis ensuite, on s'est écouté le morceau Placebo avec le rappeur Vince Lowe et la chanteuse Sarah Gessler. Et puis donc le dernier morceau, c'était avec du beatbox, avec Monsieur Slide, comment il se fait appeler ? The Mike Buddha. Voilà, The Mike Buddha. Le morceau s'appelait Science Friction. Donc voilà, donc... Et d'ailleurs, Vislo, sur le morceau avant, c'est un ancien du Saiyan Supakro aussi, non ? Oui, je crois que c'est ça aussi, mais il n'est pas présenté sous ce nom-là. D'accord. Voilà, donc c'est sorti sur leur label autoproduit Mentalo Music, avec aussi toujours au scratch monsieur DJ Lyrics, qui est Calcol Fritz. Toujours la même équipe, toujours le même label. Voilà. Et ils sortent très souvent pour un label autoproduit, vraiment... Je trouve que c'est formidable, ils arrivent à sortir très régulièrement des produits de très bonne qualité. C'est vrai. Voilà, donc on va enchaîner avec ta sélection, funk. Ouais, funk, on va monter un petit peu dans les BPM. J'ai prévu une petite dizaine de titres, on va voir, j'en ai peut-être d'autres en stock, on va voir selon comment ça se passe. En tout cas, le premier morceau, ce sera Last Bongo in Paris. Donc c'est le projet mené par DJ Cléon et Jazzy PJ. C'est vrai que Last Bongo in Paris, c'est le titre d'un morceau qu'ils ont sorti il y a quelques années. Le morceau a tellement cartonné que du coup, ils ont pris ce nom pour former leur duo. C'est un titre extrait de leur dernier projet qui est sorti sur le label EDR au début de l'été, je crois. Et donc on va s'écouter Bahia Swing, un morceau très, très jazz funk avec une bonne touche brésilienne. Je crois que le morceau fait plus de 6 minutes, on va pas l'écouter en entier, mais je vais bien le laisser durer au moins pour qu'on aille jusqu'au break, et parce que le morceau est vraiment terrible. Donc, moi ça va être une belle découverte pour moi, parce que j'avais bien aimé ce titre-là, ce qui était sorti chez Favorite Records. Je exactement. Et très bien, on s'écoute ça. Donc gardez la fréquence 105.9 Radio Hellebore, nouvelle émission de l'Antichambre avec l'oncle Ben et DJ LBR. Thank you. Thank you. best way to waste your time. Come on and give it up. Another day has come to go straight on to your plan. Please don't pull it back. Why don't we fight the rules that we used to at school? Why don't we make a stand? It's your turn to take your car. Feel alive, oncle Ben. Oui, je me sens vivant. Quand la musique est funky. Donc voilà, je vais débriefer rapidement mon mix, comme ça, ça te laissera le temps de passer les 2-3 morceaux que tu avais prévus. On revient pas sur le premier morceau que j'ai passé, si ce n'est qu'il était excellent, c'était Las Bongos in Paris, DJ Cléon et Jay-Z PJ. Je valide. Un bon petit EP 5 titres qui est sorti sur le label EDR Records, qu'on vous conseille chaudement. Ensuite, on est resté avec DJ Cléon, on est revenu en arrière avec, je pense, son premier EP qui s'appelait Jaylis and Family. Et on a écouté le titre du même nom, Jaylis and Family. Ensuite, on a enchaîné, ceux qui ont tendu l'oreille ont reconnu, avec le morceau qu'a samplé DJ Cléon pour ce Jaylis and Family. Il s'agissait d'un obscur morceau de funk allemande des années 70. C'est Milton Bowser et le titre The Ride qui a récemment été réédité en 45 tours. Ensuite, on est parti avec sur un gros classique de Monsieur Guts, And the Living is Easy, que l'on retrouve sur son premier album, Guts, le bienheureux, qui date de 2007, mais qui a été réédité cette année par son label Evenly Sweetness. Donc pour les retardataires comme moi qui n'ont pas chopé le vinyle à l'époque, il y a eu 1000 exemplaires mis sur le marché récemment, mais je pense qu'ils sont déjà tous partis tant cet album est excellent. Ensuite, on est parti sur un remix de Steve O. Miller, le morceau Jammin, remixé par un producteur écossais, Al Kent. Un morceau qu'on retrouve sur l'excellent album Musica Negra de Steve O, sur lequel collabore notamment Stomy Stewart. Ça date des années 70, je ne saurais pas vous dire l'année exacte. Mais en tout cas, on était dans une version limite house, mais qui est tout aussi bonne que l'original. Ensuite, on était avec notre ami Renegades of Jazz, on vous en a déjà parlé, on a déjà écouté quelques morceaux de son dernier album, Moyo Wangu, un album aux saveurs africaines, tanzaniennes pour être plus précis. On a écouté ce soir le morceau avec de la flûte pour faire plaisir à l'oncle Ben, c'était Moyo Wangu d'ailleurs, le même titre que l'album, en featuring avec le producteur et musicien français Hugo Kant, c'est d'ailleurs lui qui joue la flûte. Ensuite, un son tout frais, tout nouveau, c'était le Mo Orchestra, un groupe qui nous vient de Bristol, je pense. Et on s'est écouté Paint in It Black, une superbe remise du morceau. Reprise des Rolling Stones en version Funky Break. Oh, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à du Incredible Bango Band. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Il y a ce petit côté. Voilà. Avec les breaks très présents, donc vraiment, c'est un peu la sensation de ces derniers temps. Et Ben, tout à l'heure, tu me disais qu'ils venaient de sortir, ou qu'ils allaient en tout cas sortir un nouveau 45. Oui. Donc, The Mo Orchestra, à surveiller de près. Ensuite, petit clin d'œil pour toi, Ben, puisque tu reviens du Japon, on s'est écouté un producteur, un DJ producteur japonais, DJ Duct, qui est expert en l'art de l'edit. Et ce soir, on a écouté Cheetown Theme, donc un edit du bassiste Cleveland Eaton. Et les deux derniers morceaux, c'était sur le label Tramp Records pour le premier, c'était Dockerman and Turkeying Fellas. Ça sonnait afro, pourtant ça vient de Roumanie, comme quoi, et c'était le morceau Mango Seasons. Et le dernier titre, lui, nous venait d'Espagne, c'était The Sweet Vandals avec Feel Alive. Et bah c'est très bien tout ça. Du coup, je sais pas s'il te reste du temps, Ben. Moi il me reste du temps, mais pas pour ce que j'avais prévu, mais comme j'ai toujours quelque chose dans ma botte secrète. C'est bien. J'avais déjà commencé à passer la série de Diary de Monsieur Chris Reed, des espèces de petits mix très très courts qui retracent les meilleurs morceaux de chaque année, on va dire depuis le début des années 70, fin des années 70. Et là on va faire, ça sera 1988. C'est donc DJ Newmark qui s'est lancé un peu dans une série comme ça où il fait des petits mix de 3 minutes. Où il oui, mais c'est de... avec tous des mix en fonction des signes du zodiaque. Ah ok, oui, Zodiac Sign Remix, ouais, d'accord. Voilà, donc on va terminer avec ça, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, sur le 105.9, Radio Les Bords, c'est l'antichambre. Très bien, à la semaine prochaine, ciao. How shall I rock you? Let me come to you. call it that. But this jazz retains a new format. Point where you misjudged us, speculated, created a fuss. You've made the same mistake most auctioneers have. Talking all that jazz. In this journey of the journal, I'm the journalist. Am I eternal or an eternalist? I'm about to flow long as I could possibly go. Keep you moving as the crowd says so. Bring that beat back. Y'all wanna hear that beat, right? Bring that beat back. Word to the